Au nom du Père, je ne m'aime guère. Tel est mon combat, tombé pour moi. Maudit soit ce que j'indiffère, leur désamour est mon enfer. Je triche avec les sentiments, mais c'est à moi-même.